Le coucou. Regarde cet oiseau. C'est un coucou. Il ne fait pas de nid. Il trouve un nid qui a déjà des œufs. Regarde cet oiseau. Il fait un nid et pond des œufs. Ses œufs. Quand cet oiseau va quitter son nid, le coucou va venir. Le coucou arrive et enlève un œuf. Puis, il pond son œuf dans le nid et s'en va. Il ne reviendra jamais. Le bébé coucou sort de l'œuf. Il pousse tous les autres œufs en bas du nid. Il pousse aussi tous les autres bébés oiseaux. La maman oiseau revient dans son nid. Elle apporte de la nourriture au bébé coucou. Mais le petit coucou n'est pas son bébé. Le bébé coucou grandit très vite. Il peut même tomber en bas du nid. La maman oiseau lui apporte encore de la nourriture. La maman est petite. Le bébé coucou est très gros.